Le coup sur nos quartiers, elle se fait une jointe de jaune. Voilà, on vit tous les soucis, hein. Ça va la lime, prends une flèche de vodka. Elle se manque buvette, voilà, on vit tous les soucis, hein. Elle n'arrive pas dans le quartier, ça galère, hein, voilà. Eh, là, c'est un 3-5, la crise au Mac, mec. Ayo, ayo, ayo, toujours en quête d'une vie meilleure. J'pense à la dar, aux problèmes, aux MC qui me font les players. J'suis plutôt rime, tranquille, ça passe pas. Tant pis, moi j'resterai là. Tant qu'il faut, mais pas à vie comme Tanguy. J'suis dans le tempo, j'frappe pas le mur comme tempo. Esquive, hop, tampon, ça joue sur pelouse sans crampon. J'taffe l'écriture, j'm'inspire des poèmes. J'compte pas les risques quand j'aime, j'ai pas tous bientôt Noël. J'perds du mon temps, à force, j'en ai le cerveau qui sert. T'appêtes pas quand t'es coté au faible, fais pas de misère. J'suis toujours là, malgré les gens qui blabla que. Au quartier, ils veulent péter, alors ils rabattent. Reste au coup, casse pas les couilles. Si t'es rabat, les temps ont changé, mais fais gaffe ou tu capates. Je fais pas le mac, pourquoi? Parce que j'en ai pas les moyens. Je suis pas plus fort qu'un autre, mon pote, je suis qu'un simple citoyen. Saison de test, en mettant toutes les caisses. Viens si tu veux test. Qui veut me suivre là, c'est Saint-Jean à Pointe. Vitesse, tous les jours, je progresse. Nouveau flow, nouveau texte. J'prends la vie comme elle vient, non, je me blâme pas. Saison de test, en mettant toutes les caisses. Viens si tu veux test. Qui veut me suivre là, c'est Saint-Jean à Pointe. Vitesse, tous les jours, je progresse. Nouveau flow, nouveau texte. J'prends la vie comme elle vient, non, je me blâme pas. Fais les choses bien, on fait rien, mais parle pas pour qui. Y'a des ennemis sur le terrain, donc j'porte l'outil. Plutôt Dolce, pas Gucci. Et ça perquise des boutiques. Pourquoi tu te la pètes, espèce de folle? Tu mets les chaussettes dans le soutif. Ma vie c'est simple, c'est le quartier. Ma démarche c'est le quartier. Ma façon de parler, de m'habiller, ouais c'est le quartier. Ma façon d'accoster, de me faire pointer ou de riposter. Ma façon de vivre se force en restant au quartier posté. Aujourd'hui à la zone, à la Tupac, oh là ils ont mis, oh là ils ont rajouté des cives. Et au secteur ils en ont mis. Pas le risque quand tu les bats. Tu veux de l'amour, moi j'en ai pas. Pas pour qui tu veux que je tue, à part petit frère, maman et papa. Ouais, c'est la crise au mic, mec. Faut toujours plus de mailles, les mecs. Aujourd'hui c'est insulte de c'est sur les mains, on va se les mettre, il va se les faire foutre. Touche au petit, je te fous droit. Si je devrais dire quelque chose au rap, j'y dirais, je suis fou. Saison de test, en mettant toutes les caisses. Viens si tu veux test. Qui veut me suivre là, c'est Saint-Jean. J'prends ta vitesse, tous les jours, j'progresse. Nouveau flow, nouveau texte. J'prends la vie comme elle vient, non, j'me blâme pas. Saison de test, en mettant toutes les caisses. Viens si tu veux test. J'prends ta vitesse, tous les jours, j'progresse. Nouveau flow, nouveau texte. Pour tous les frères incarcérés. Qui m'aime me suivre là, c'est Saint-Jean la Pointe. Papa, Gil, Wassim, Boy, Amdela, Kimiou, Bizi. Passe à vous, frère. J'prends la vie comme elle vient, non, j'me plains pas.